Ouais, c'est moi, toi t'as préféré tes ménages, là, fait que, à moi, c'est normal d'être, mettons. Je t'appelais pour te dire que... Hey, je suis brisé, là. Je me rends en face, mais... Hey, tu pires ma gueule, ta femme. Je pensais que tu répondrais. Je voulais même te dire que je te remercie de ta patience avec moi. Parce que je comprends là, que je suis pas commode. Comme je suis très grand-mère quand j'étais petit, hein, que j'étais pas commode. Fait que là, je comprends pourquoi elle disait ça. Fait que je m'excuse. Je pense que des fois j'étais peut-être fait la peine. Après, quand je redescends puis je me calme, est-ce que j'ai de la peine? Parce que je mérite, si c'est pas mieux qu'un mongol comme moi. Fait que... L'important c'est que je pense à toi, c'est une canne, puis je t'aime. Thank you.